Salutations à tous et bienvenue dans cette deuxième édition de Goose Pod. Maintenant, vos animateurs, Gabriel et Émeric. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Magnifique intro! On devrait l'employer à tous nos épisodes, je pense bien. On devrait rien que changer l'édition. Ouais, ça va, je vais changer ça à troisième édition à chaque fois. On va comme enlever le bout de ce que tu dis deuxième édition, on va juste remplacer ça pour troisième, ça va paraître vraiment bâtard. Ça. Enfin, bienvenue à troisième édition. Ça serait drôle, ça. Ouais, ok. Bienvenue tout le monde, on a cette deuxième édition. Ouais, ça c'était un peu fort. Je voudrais m'excuser pour toutes les personnes qui sont devenues sourdes à ça. Gabriel! Hey, non, non. Enderman! Oh, tap! Ok, mec, c'est correct, on a compris, tu peux gueuler très très fort. Bon! Fait que là, ça fait un bon bout qu'on a pas fait d'épisode. On a fait l'épisode 1 il y a. Combien d'années, mec? 8 ans, Maternam. 8 ans, Maternam, donc 8 ans? Non, surtout qu'en latin que je prononce mal. Ok, ok, ouais, 8 ans, Maternam. Ouais, c'est exactement. Okay, okay. J'ai entendu 8 ans Eternam. Okay. Ouais, ça fait que ça fait depuis le mois de février. J'ai checké. Ça fait 8 ans Eternam, moi, qu'on en a pas fait. Ouais. Fait que là, là, on est quelle date là? On est le 14 août. Donc, 14 août, 19h05, deuxième épisode du Goose Pod. Fait que, on va checker notre liste de topics, voir de ce cas-là. Dans ce coup-là, on s'est fait une liste. Ça va pas du déconnage total comme le dernier épisode. Parce que là, on a pensé que le Goose Pod, on pourrait aussi discuter. De aussi le réseau Goose Production, comme Goose Production, juste pour dire que ceux-là qui ne savent pas, c'est l'englobalisation de toutes les affaires qui sont reliées à Goose, c'est-à-dire Goose Gaming, Goose Movies, puis Goose Pod. Présentement, c'est ça, Goose Production. Et puis, c'est l'unification du monde par la force intergalactique des deuxièmes trimestres. C'est ça. Comme tu sais, nous autres, mettons qu'on parle de Ghost en général, de toutes nos chaînes, de toutes nos affaires même, on va pas juste dire genre le réseau Ghost. On va dire carrément Ghost Production. C'est le réseau Ghost Production. Fait que ça fait plus nice, c'est plus officiel, c'est une globalisation. Et puis c'est ça. Fait que on va parler du réseau de Ghost Production aussi dans Ghost Pod, parce que ça vu que c'est quand même le Ghost Pod et non Pod. Je sais pas si tu m'as fait comprendre. Fait que. Le goût. Le goût Pod. Pour saveur Pod incorporé. C'est quoi qu'on goûte dans le goût pod au juste? Je sais pas, il y a des céréales, il y a des cornflakes, mais à part ça, je ne sais pas, avec des céréales Kellogg. C'est juste des céréales, je sais pas comment c'est juste des céréales. Yeah! Et Brick, c'est un amateur de céréales, donc. Ouais. N'est-ce pas? Je suis d'accord avec ta prophétie. Prophétie de céréales. C'est le genre de budget qu'on a. Je sais mettre en contexte les gens. Ouais, c'est une bonne chose. Bon alors! On est en train de fixer notre feuille de topic. Puis là, prochain topo. Serveur Minecraft. Le spécial 100$. Je viens de tout ruiner. Non, mais depuis quand qu'on se fait 100$ là, avec ça là? Non, on coupe ça tout de suite. Tu viens de révéler toute la corruption qu'il y a dans Goose Gaming. C'est pas bien. La corruption. De Goose Production. On est corrompu en réalité, tout le monde. Désolé. On s'est fait 100$ avec Goose Production. Non, ça fait 0$. Vraiment. Bon, okay. Que oui, on pourrait parler du serveur Minecraft, une brillante initiative de un de nos anciens joueurs qui participait beaucoup au développement et à l'aide de notre ancien serveur qu'on a abandonné parce que finalement on a eu vraiment peur de Vandorm, un ouais. Démon qu'on avait inventé qui s'est avéré être réel et qui a détruit le serveur par la pensée, par notre pensée même, il est rentré dans notre tête. Peut-être qu'il y a de mettre ça un peu plus réaliste, mais... Ouais, ben, je vais mettre le contexte réaliste plate de ça. C'est que le serveur était beaucoup trop de job pour nous autres. Ben, regarde. C'était trop une bonne idée pour nos compétences, maudit. Ouais, c'est trop gros pour nos compétences. Je pense bien que c'est ça le problème. Parce que, aussi, l'affaire, c'est que, bon, que je suis pas sûr que tout le monde le sait de toute façon que c'était trop gros pour nous autres. Puis, on dirait qu'il y a la poussière sur le micro. Bon, en tout cas. Mais, c'est ça, fait que dans le fond. Il y a de la poussière sur le micro. De la poussière sur le micro, bon. Que c'est ça, fait que c'est trop gros sur nos compétences, et puis c'est ça, c'était trop de jobs, c'était trop de gérage, puis en plus, quand on a transféré sur la nouvelle map, et ben ça avait tout buggé, puis ça voulait plus marcher, on avait envoyé étiquette de support, il n'y avait pas pu rien faire, faut qu'on a décidé de faire « fuck it, on ferme ». Oh, puis aussi, il y avait beaucoup trop de torches dans la ville. Ouais, ça c'était de ma faute. Il y avait une surabondance de... Ça vaut aussi la peine de dire que c'est de ma faute, je pense que tout le monde le sait déjà. C'était de sa faute. C'est ça. Juste de sa faute, juste lui. Oh, ouais, c'est vraiment sa faute. Ah! My god. C'est vrai que tu as vraiment derrière ton volume, mais bon. Ouais, hein, je regarde ça sur les bandes. Moi, ouais, je pense que je vais. Parce que je trouve ça drôle. Non, mais je trouve ça drôle parce que je repense à nos premières vidéos, ok, parce que je suis en train de travailler sur un spécial de 16 abonnés. En tout cas, on va parler de ça plus tard, là. Mais c'est ça, j'ai comme. À cause de ça, j'ai dû re-regarder quelques bouts de nos premières vidéos. Mm-hmm. Et puis. Je réalisais à toi, tu m'as ramené beaucoup les premières vidéos, c'est comme tu parlais pas fort, mais là, à cette heure, ce GooseSpot, c'est tout le contraire. C'est vraiment bizarre. Ouais, t'as raison. Le GooseSpot, c'est comme tout le contraire. Je suis bien d'accord avec toi. Ouais. Bah, c'est d'accord. Cool. Je suis vraiment d'accord. Ouais. Je suis fier de toi. Mais, ok, ouais, fait que là, c'est vrai, on parlait de Sarah Minkar. Hein. Ok, bah, que dans le fond, depuis tout le temps qu'il y a eu entre les deux GooseSpot, notre serveur Goose Gaming a fermé. Et puis, le serveur Minkar a ouvert, il y a eu tout ce temps-là qui a passé. Le serveur Minkar, c'était fait par Noshnok, notre seul membre élite dessus notre ancien serveur, qui aidait vraiment beaucoup à la communauté, qui nous aidait beaucoup pour gérer les choses, puis à inventer du roleplay, puis à participer dans le roleplay, puis etc., etc. Puis on est vraiment content de son aide. Puis aussi, c'est ça, fait que lui, il a fait son propre serveur. Nous autres, on a décidé de jouer dessus, on a fait quelques séries de ça sur YouTube, sur Goose Gaming, fait que n'hésitez pas à aller voir. Puis, si vous avez pas déjà vu ça. Et puis, ça, fait que on fait chacun notre série là-dessus. C'est une série solo chaque. Fait que c'est la première série où ce qu'Emeric est solo dans une série. Fait que si vous voulez voir Emeric jouer solo à un jeu, et voilà, vous avez bien, vous avez une série. La ville est bien structurée. Puis, il y a des drapeaux qui flottent partout, qui montrent le patriotisme. Qu'est-ce qui plante, par exemple, vraiment avec ces drapeaux-là? C'est que je trouve qu'ils ressemblent vraiment trop à des drapeaux de la série depuis que tu l'as dit. Vu que tu l'as dit, ça fait t'en marquer. Oh, puis là, je pense aux drapeaux de la série. Par contre, dans la série, il y a quelques logos d'autres dessus, mais il y a les couleurs de la série, puis il me semble que ça fait bizarre de voir ça à chaque fois. Fanatique de la série! Ben non, c'est vrai. Si on regarde, on était au début du GoosePod, on s'était dit qu'on pourrait parler politique à la fin de la vidéo. Je trouve habitué des vidéos, Gabriel. À la fin du GoosePod, mais parlons-en tout de suite. La série, là, le gouvernement syrien contrôle environ 30% maintenant de ses effectifs gouvernementaux, etc., il n'y a plus le contrôle. Faut être empathique envers eux. Avoir de la sympathie, je veux dire, envers ce gouvernement-là. Il est en train de perdre son pays. Il est plus capable de rien gérer. Il perd la face. Il a l'air con. Il a l'air de jamais avoir été intelligent. Ouais, ben, regarde. Imagine, mets-toi à leur place, puis dis-toi. Ouais, j'aurais ça, tu laisses un peu de pays. Ouais, ça le fun si j'aurais de la place pour avoir mon opinion. Bon, ok. L'autre est génial. Ok. Ouais, c'est ça. Ben... Non, ça j'attendais, non, mais c'est juste que tout le long que je parle, que je dis des grosses conneries, moi j'attends que dans ta tête, tu te fasses une bonne idée constructive, tu sais. Moi, le problème, c'est que j'ai pas tant que ça une idée constructive sur la série, à part que les Américains, apparemment, ils vont faire la même chose qu'en Irak, puis ben, franchement, ça m'énerve un peu. Parce que, ben, pour les Américains, faut pas blâmer ça sur les Américains, faut blâmer ça sur le gouvernement américain qui est con. C'est-à-dire les conspirateurs. Un peu. Vraiment, là, on n'est pas pro-conspiration, mais bon. Ouais, c'est ça. C'est plus le fait que... Comment dire ça? Je veux pas trop parler contre... Je veux pas trop parler de politique trop controversée, mais l'affaire, c'est que... Ben, mon opinion, OK? Mon opinion, moi, c'est que je trouve que c'est con parce que les autres font juste empirer la situation. On allait là-bas en disant « Nous allons amener une démocratie. » OK? Mais pourquoi maintenant? Pourquoi à ce moment-là? Et pourquoi vous voulez imposer... cette supposée démocratie, qui est pas vraiment une démocratie en passant, sur plusieurs pays. Pourquoi là imposer? Il y en a qui font les conspirations. Ben pas les conspirations, mais il y en a qui font une théorie genre que c'est pour le pétrole. Il y en a qui font d'autres théories que c'est parce qu'ils veulent imposer un régime plus puissant. Moi, perso, ben tu sais, ces théories-là, c'est comme bof, je veux dire, je le sais pas. Attention, Gabriel se sauve d'un sujet très controversé qui vient de partir. Moi? Je me sauve. D'un autre côté, mon opinion là-dessus, ça se résume à ça. Tirer des missiles dans toutes les directions pour tuer tout le monde. Il n'y a plus de problème. C'est l'opinion d'Emeric pas mal tout le temps, ça. Quand ça concerne la politique, là, tirer des missiles partout. Tirer des missiles dans toutes les directions, comme ça, il n'y a plus de problème. Sérieusement, je trouve que c'est une bonne solution. Ouais, salut, hey! on bombarde la Syrie avec des bombes à antimatière, puis il n'y a plus personne. Bon, en tout cas, c'est triste, il va y avoir des personnes mortes, mais il n'y a plus de problème, il n'y aura plus personne pour chialer. Ben, sérieusement, quand on y pense comme une fois, hein, les problèmes, là, c'est parce que l'humain est là. S'il n'y a pas d'humain, il n'y aura pas de problème. Attends, fuck. Non, non, non, arrête! Non, non, non! Qu'est-ce que j'ai dit là. Essaye pas de partir un gros suicide collectif, Gabriel. Non, non. Non, non, ça, c'est la pire chose que j'ai dit sur Internet. Je le savais tout le monde. Vous voyez qu'est-ce qui arrive quand je me laisse influencer par la philosophie de l'ancien missile partout? C'est ça qui arrive. Je me dis, c'est peut-être bon si y aurait vraiment personne. Puis là, c'est ça qui arrive. C'est ça serait vraiment ça bon s'il y aurait personne, sauf moi. Seul au monde. Je suis une légende. Ok. Seul au monde. Da, da, da, da, da. Je suis seul au monde. Oh, tabarouette. Ça me fait rire le plus fucked up que j'ai entendu. Ok, c'est go. J'aime bien. I like is the patent chose and they take me. Ouais, j'approuve. Sinon, oui, on va voir. Est-ce qu'on passe à un autre sujet avec la politique? Oui, mais avant, l'info pub. Ok. BenQ, les télévisions. Non. Je veux dire, les téléviseurs. Ou plutôt, les Gabrielleurs. On s'écarte du sujet. Peu importe, achetez la marque BenQ. Bon, ça, c'était une idée recyclée, fait que ça n'a pas vraiment bien marché, mais bon. Au moins, j'essaie, hein? Les gars, s'essaye. Mauvais dicton d'adolescent. Bon, ok. Voyons voir. Bon, ouais, ok. Spécial 100 abonnés. Fait que, on est en train. Parce que là, récemment, sur Goose Gaming, on a eu 100 abonnés. On vous remercie beaucoup. Celui qui écoute ça, on vous remercie beaucoup de notre support. Ça marche super bien. Comme si on aurait fait 100 comptes pour subscriber nous autres. On n'a pas fait ça. Attendez un peu, ok. En réalité, Gabriel sous-entend qu'on supporte plus la chaîne que des gens qui la supportent. J'ai rien dit. Ben, j'ai rien dit. Ben, c'est ça, on fait une vidéo dessus. Tu peux continuer. Bon, ok. Fait que là, le spécial. Bon, ok. Fait que le spécial 100 abonnés. Fait que ça, c'est un spécial. On a pensé à l'idée après avoir eu 100 abonnés. Fait que je pense pas que ça va être tout de suite qui va être sorti. Ça va être peut-être dans un petit bout parce que c'est un projet quand même assez ambitieux. La vidéo dure à peine 1 minute 40. Mais il est ambitieux, mon dieu. Ouais, mais il y a des tanks dedans. Ouais, ça, il y a des tanks. Ça rend tout meilleur. Mais puisqu'on n'a pas le droit d'avoir des vrais tanks, on en a fait avec du pliage de carton. Mm-hmm. Fait que c'est dur à peinturer, puis surtout à mettre à l'échelle, puis trouver tout le carton nécessaire pour. C'est sûr. Puis c'est vraiment difficile. Puis on a des vrais sodas qui vont aller dedans. Mais ouais. Ouais. Ça, va-tu falloir calculer pour que le poids soit bien réparti, puis que le carton se brise pas. Mm-hmm. Fait que là, c'est ça. Fait que ce spécial-là, il était ambitieux, mais on prévoit le faire, puis on prévoit le publier. Fait que attendez-vous à avoir un spécial sans abonnés. Puis si on réussit à pas le faire, ben, mettons, on réussit à pas le faire, ben, on va essayer de compenser pareil pour autre chose, ok? Juste pour dire, mettons que je file ou que je rage, puis que je supprime le projet dans ma rage, ça m'étonnerait, là, mais en tout cas, mettons que je supprime le projet dans ma rage, je vais faire autre chose pour compenser. Parce que disons, Gabriel a eu une très bonne idée, mais. C'est ambitieux. C'est ça, c'est quand même assez ambitieux. Ben, dans le fond, c'est du travail. C'est pas des tanks en carton avec des soldats qui vont aller dedans avec du poids réparti bien calculé. Mais, quand même, là, je viens de tout briser le suspense. Bon, en tout cas, je peux vous dire, c'est ambitieux, ça prend beaucoup, beaucoup de clips. C'est le même que je veux dire ça. Gabriel, avant de te poser une question, je viens de réaliser quelque chose. Mm-hmm. Je dis tellement n'importe quoi dans toutes nos vidéos. Je suis tellement le gars qui dit des affaires absurdes. Comment que je peux faire pour faire des vidéos en solo et être intéressant? Bon, je veux dire, non, on laisse la question super. Ma vraie question. Non, tu peux dire des affaires absurdes dans tes vidéos, puis c'est drôle. Tu sais, je veux dire, il y en a plein des commentateurs qui disent juste des affaires absurdes pendant tout le long. Hein. La fleur est jaune. Je n'écoute même des. Mais pourquoi elle ne serait pas orange? Pourquoi suis-je dans ce monde? Parce que la fleur est jaune? Ou parce que la fleur est peut-être pas orange et qu'elle ne pourrait pas être jaune, mais qu'elle l'est pareil? Bon. Ça revient à la question pourquoi suis-je ici? C'est bien ça. Non, mais ma question pour vrai, c'est est-ce qu'on parle du spécial nostalgie? Nostalgie? Du spécial nostalgie. Ah, oh, ok. Non, on va laisser ça secret, hein? Ouais, ça va être secret. Ouais, juste pour dire, on prévoit un projet spécial relié à la nostalgie, mais on n'en dit pas plus. Ok, ça va être tout ce qu'on va dire là-dessus. Ensuite... ok. Ouais, on a sorti Goose Movies durant le temps qu'on a fait notre dernier Goose Pod, notre deuxième chaîne, Goose Movies. Si vous l'avez pas vu encore, allez vous abonner. On va faire des sketchs là-dessus. On va faire des des vidéos variées. Là, à date, on a deux AMV. Ben, un AMV, version anglaise et française. C'est le même AMV. Puis, c'est un AMV sur Côte Gears. Fait que si vous aimez Côte Gears, ben, allez voir cet AMV-là. C'est pas le fun. Puis, aussi, on a fait une vidéo de nous autres qui visitaient Mangabitibi 2012, la convention de manga et d'anime qui s'est passée au mois de juin passé. Puis, c'est ça. À date, c'est pas un seul nos vidéos. On prévoit faire d'autres sketchs drôles là-dessus, de fun, nous autres qui déconnent, etc. Manga Abitibi, une première en Abitibi-Témiscamingue, d'une convention de la sorte. Puis, c'est, c'est une bonne chose que vous allez voir cette vidéo-là pour vous convaincre un peu de... d'appartenir à ce mouvement magnifique. C'est ça, c'est entrepris d'une belle manière. C'est ça. Si vous aimez les mangas, les animés, etc., etc., ben n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur Mangabitibi. Elle est à la deuxième édition l'année prochaine. C'est la première édition cette année, comme Rick a dit. Et puis, c'est la première convention du genre en Abitibi-Témiscamingue, puis qu'on est fiers d'y avoir été. Puis, c'est ça. Fait que, n'hésitez pas à aller à la deuxième édition si vous êtes intéressé d'y aller, puis que vous avez manqué votre chance pour la première. Ouais, là, on pourrait plugger deux choses popées avec ce sujet-là de Ghost Movies, mais avant, juste pour dire, si des gens se trouvent qu'il n'y a pas encore beaucoup de choses qui ont été publiées dessus cette chaîne-là, dites-vous qu'on a un cahier rempli d'idées, mais le seul truc qu'il nous faut, c'est votre argent pour avoir... non, je déconne, pour de vrai, quand on va avoir l'étincelle d'inspiration, là, on va foncer là-dedans, puis on va faire... On a beaucoup d'idées, en tout cas, qui sont pas à s'en mordre les doigts et à rire et à pleurer, mais quand même pas pire. Je vois quelque chose, un bon potentiel là-dedans. Ouais, j'ai oublié de quoi tu parlais, par exemple. J'ai pensé à quelque chose. On pourrait peut-être parler de comment est-ce que ton AMV est devenu aussi populaire. Ah, ouais, peut-être. Et ensuite, puisque... Il est dans une langue qui est pas le français, qui explique tout, on pourrait peut-être plugger une autre affaire. Ah, ok, là, je comprends toutes tes références. Bon, ok, Ghost Movies, on a notre vidéo le plus populaire, ok, c'est l'AMV présentement, la version anglaise, évidemment, c'est celle le plus populaire, mais c'est pas juste parce qu'il est en anglais, c'est parce que il y a un site appelé Reddit. Qui on a publié ça là-dessus, et puis, ben, on a obtenu légèrement 500 vues de là. Avec 13 likes. En quelques jours. En 3 jours. Oh non, c'était fucké, c'était malade. Il y avait tout le monde, il y avait plein de monde qui allait voir ça. C'était fou. Le monde, en plus, le monde aimait ça. Puis j'ai eu quelques commentaires aussi sur Reddit. Puis non, c'est franchement, là, c'est vraiment superbe. Disons qu'une chaîne bilingue de notre part, ça va pas être pour demain. Non. Pour cause, moi. Mais c'est pas grave, on fait des efforts. Ouais, tu sais, je veux dire, c'est quand même... Moi, je dis là, que c'est un des aspects uniques de nous autres. On a une chaîne totalement en québécois et non en anglais, parce que la plupart des Québécois qui font des vidéos, c'est en anglais qu'ils vont les faire, puis je peux comprendre, parce que justement, c'est la plus grande audience. Mais c'est quand même un aspect unique. C'est pourquoi t'as fondé ta propre chaîne anglaise, puis qu'elle a été passée Google Gaming. Oh, c'est un bon timing. Un timing le plus chien. Oh, crime. Direct quand je parle des avantages de faire des vidéos en français. Ok, j'avoue, j'ai fait une chaîne solo en anglais. Pour moi, de gaming. Ben non, c'est bien correct. Non, ça, j'ai fait une chaîne solo en anglais de gaming. De moi, qui parle en anglais, qui fait des vidéos de gaming. Minecraft principalement pour l'instant. Fait que ça s'appelle TYAJC, si vous voulez aller voir ça. C'est T-H-E. Oh, je pensais que c'était le loyer à JC. Non, c'est non. Oh, c'est pas le loyer à JC. Ok, cool. Non. Puis TYJC, c'est le loyer T-H-E, T-H-E-Y-A-G-C, puis c'est ça, fait que dans le fond, vous écrivez ça sur YouTube, vous allez sûrement avoir la chaîne, c'est tout collé ensemble, et puis c'est ça, fait que n'hésitez pas à aller voir ça si vous voulez aller voir, si vous voulez vous abonner, si vous comprenez l'anglais, puis que vous voulez voir ma chaîne solo, allez-y, puis c'est ça, puis aussi j'ai un autre style de commentating en anglais, c'est un peu différent qu'en français. Un autre style de commentateur. Ouais, c'est un autre style de commentateur en anglais. C'est un peu différent. Je sais pas pourquoi je parle un peu différemment en anglais. Fait que... Il est plus intéressant. J'ai un autre style un peu. Non, c'est pas nécessairement. Mais non, mais sérieusement, je suis intéressé par tes vidéos sur cette chaîne-là. Puis je compte en regarder davantage pour m'améliorer en anglais. Ouais. Je voulais pas trop faire de pub là-dessus, mais coudonc, j'aimerais que le mentionner. Maintenant... Bon, ok. Bon, dire, avant l'épisode, j'ai pensé peut-être faire de la pub. J'en ai parlé un peu à Emeric, mais on n'était pas sûr. Bon, en tout cas, ça a l'air que là, ça c'est fait, là. Fait que... C'est pas de ta faute, Gabriel, c'est de ma faute. C'est, non, non, c'est non. Ma responsabilité. Non, c'est moi qui l'ai proposé. C'est moi qui l'ai proposé. Au début. Et c'est ça. Il veut toujours prendre toutes les blâmes quand en réalité c'est toujours moi qui fous la merde. Non, c'est pas toi qui fous la merde, merde. C'est moi qui me fous la merde, merde. Non, ok. Merde, merde, merde, merde. Ouais. Le nouveau langage de Goose Gaming. Alors, est-ce qu'on a d'autres sujets à parler vraiment? On pourrait parler des verres d'eau très bien faits qui sont fabriqués au Canada. Ah non, ils sont faits en Chine. Ah. Pensais-tu vraiment que c'était fait au Canada? Ça, c'était le son du verre sous l'influence de la rage. Un vache noir. Ok. Le son des verres pas cheap chinois. Ok. Tonton marche d'un tunnel. Ok. Mais, nouveau. Ouais, hey, juste pour dire, on a acheté des vecteurs sur internet qui nous permettent. Ouais, très bonne céréale Vector. C'est des céréales avec un goût. Ok, non, c'est pas de. Ok, non, la sphère, je me suis trompé. Non. On a acheté des boîtes de vecteurs en ligne. Aïe. On a acheté ça sur eBay, c'est livré ici. Ah, tiens, mes vecteurs sont arrivés. Bon déjeuner. Non. En réalité, c'est des facteurs, c'est comme des images faites pour la production. Fait que, on peut utiliser ça pour YouTube, Goose Gaming, Goose Movies, etc., etc. On peut utiliser ces images-là pour nous autres, pour des logos, des affaires comme ça. Puis on paye pour avoir les droits pour les utiliser. Puis c'est ça, on a acheté des facteurs. Puis on pourrait les utiliser dans nos vidéos. Fait que ça va être pratique. Ça rend nos vidéos peut-être un peu plus belles parfois. Comme mettons, on rajoute des compteurs d'une sorte. Un parfait exemple, le nouveau logo du GoosePod a été fait avec un vecteur qu'on a acheté. Ouais, ouais, c'est vrai, allez voir ça, on a un nouveau logo pour le GoosePod, fait que si vous avez pas vu ça, ben, allez voir ça. Hey, ça fait penser à quelque chose. Est-ce qu'on fait une chaîne GoosePod sur YouTube pour publier toutes les GoosePods sur YouTube? Ça serait peut-être une idée. Parce que j'avais pensé le faire sur Goose Gaming, mais... L'intérêt serait pas nécessairement immense. Ben non, on va dire, il serait là, mais ben justement, peut-être qu'on aurait une plus grosse audience sur GoosePod si on mettrait ça sur Goose Gaming. On va y penser, les amis, ok? Ouais, on va y penser, ça c'est juste des idées. Notre genre de brainstorming qui prend un million d'années à régler, fait que attendez-vous pas à souvent, un résultat par des coups et de la violence. Ouais, souvent. C'est pour ça que moi et Pémeric, on est... On fait tout ça en duo, c'est parce qu'on finit toujours par se battre, mais ça nous permet de nous réconcilier, ou sinon, là, ça ferait déjà longtemps qu'on serait entretués, là. Fait que, tu sais. Ouais, effectivement. Quand on a un but commun, pis là, quand que un. On est loin d'être à tabasser l'autre, mais là, tu te dis, bon, hein, mais y en a un but commun qu'on partage, pis si on se détruit au maximum, ça va plus marcher. Fait que là, on se réconcilie. C'est vrai, Emmerich, c'est vrai. Bon, ben, qu'est-ce que t'en penses? Ben, en tout cas, on va décider pour le sort du GoosePod, mais on va essayer de mettre plus de publicité parce que il manque de publicité sur le GoosePod. Il faut qu'il y ait plus de monde qui connaisse ça parce que c'est là où est-ce qu'on met nos nouveautés les plus nouvelles pour les chaînes, nos projets, nos idées de brainstorming, etc., etc. On va fonder un poste sur GoosePod. Un poste de radio. On devrait fonder un poste de radio. Peut-être. Ça pourrait s'appeler Ghost Radio. Le nom original. Ghost Radio. Quel genre de musique qu'il y avait là-dessus? Du Daniel Young? Juste du Daniel Young. De la musique épique, de la musique d'ambiance, de la musique émergente très bonne, de la musique... Ah, c'est mon rêve. Bonne. Ce serait mon rêve. Juste de la musique bonne. Ghost Radio. Ce serait notre slogan. La seule bonne radio au monde, on t'a dit. Mais le personnel est fuck off. Contrairement aux vraies stations de radio. Non, mais pour vrai, notre dernier GoosePod a duré combien de temps, Gabriel? Google. Clic. Clic. Clic. What the... Ok, c'est bizarre, ça. Qu'est-ce qui est bizarre? Pourquoi est-ce qu'ils m'informent que Call of Duty Black Ops 2 sont live? Je me fous totalement de Call of Duty Black Ops 2. Parlons de Battlefield. Non, mais non. Avant. Oh, le GoosePod. Ok, on va aller voir. Premier GoosePod. Oh merde, faut que j'aille sur iTunes pour voir. En tout cas, le premier GoosePod a été publié le 7 février. Fait que ça fait un petit bout. Mardi, le 7 février 2012. Au moins, c'était en 2012. C'est au moins ça. Mais ouais, parlons Battlefield. Battlefield 3, Battlefield Bad Company, les nouvelles... Ouais, Bad Company, ils ont décidé d'annuler ça, puis ils ont décidé de sortir un Battlefield 4. Ben franchement, je trouve que ça va sa route du Call of Duty. C'est pas mal ça. C'est-à-dire la voie de l'argent à tout prix, et pas de nouveauté, c'est pas ça. De variant. Exactement. Le fun. Quelle tristesse dans mon cœur, même si je ne joue pas à Battlefield. Notre premier épisode du GoosePod a duré 25 minutes. Yeah, on l'a dépassé! Avec brio, titude. Yo. C'était proche. Ouais, mais c'était bien, c'était bien. Bon, fait que, ouais, ben c'est ça. Fait que moi, je pense que ça devrait peut-être conclure l'épisode celui-là. Là, je veux dire, on n'a plus grand-chose vraiment à parler. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on devrait peut-être publier le Ghostpod sur YouTube. Peut-être, on checkera, ça va tout dépendre. Non, en tout cas, c'est sûr. En tout cas, c'est sûr que ça va être sur iTunes, comme notre premier épisode. Ça va être sur iTunes, ça va être sur le site web du Ghostpod. Le site web du Ghostpod, en passant, il est accessible sur ghostgaming.tumblr.com. Il est accessible à partir de là. Aussi, le site du Ghostpod, c'est... attendez une minute. C'est ghostpod.blogspot.ca. Sauf que, par contre, si vous avez réussi à écouter le Ghostpod, il y a des grandes chances que vous sachiez c'est où. Ouais, c'est vrai. Mais aussi... ghostgaming.tumblr.com pour... Il y a un lien dessus vers le Ghostpod là aussi. Fait que on sait ça. Puis aussi iTunes. Fait que décidez votre plateforme. Peut-être YouTube. Peut-être. On verra. On pourrait parler de ProMember. Un peu. De quoi? Peut-être au prochain épisode. On pourrait parler de ça. Ouais, ouais. Ok, ouais, ça. Ouais, on va parler au prochain épisode, je pense. Ouais. Ok. Demandez. Fait que merci tout le monde d'avoir regardé. Regardez! Quoi qu'on fait pour regarder de l'audio? Bon, à part si vous regardez les variations de l'audio, ça je peux comprendre, mais ça m'étonnerait quelqu'un le temps de faire ça. Bon, ok, fait que, au revoir tout le monde, et on se voit au prochain épisode du Ghostpod. Juste une petite affaire que j'aimerais dire à double personnalité de Emmerich. Le gars par rapport qui parle avec Gabriel, c'est toi, gros cave. Merci tout le monde d'avoir écouté, au revoir. Au revoir.